Édition de décembre 2013. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Vous l'aviez demandé, c'est fait. J'ai réuni en un seul volume les 10 premiers scripts du PC Show avec Paul Courtemèche. Vous le trouverez dans votre boutique Amazon à DP/B00GM1UT6G. Par ailleurs, mon roman pour enfants, Grand-père, et les chroniques de Petite Tête, l'Omnibus, sont désormais disponibles en format EPUB sur le Kobo Store. Tiré de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiadreau, les éditions de l'avenir présentent Les filles de Masca. C'était au cours d'une élection fédérale. Victor Gladue, l'un des plus formidables tribuns populaires du pays, demandait aux électeurs d'Yamaska de lui renouveler son mandat. Le Parti conservateur avait lancé à ses trousses Charles Thibault, qui le rencontrait dans un des bourgs pourris bleus du comté. Après la grand-messe, mon Thibault monte sur le hosting et se lance dans une harangue formidable contre Gladue. Après avoir épuisé tout un répertoire d'accusations aussi idiotes qu'injustes, le terminant ainsi. « Voyez, monsieur les électeurs, ce document que je tiens ici dans ma main et que j'étalerai devant vous lorsque j'aurai expliqué la nature de ce papier. On a accusé monsieur Gladue d'être franc-maçon. Il l'a nié, c'est vrai, mais il n'a pas prouvé cette négation qui n'est pas justifiée par les faits. Monsieur Gladue s'est imaginé qu'il était impossible de trouver des preuves de son affiliation à cette société si fortement défendue par notre sainte mère l'Église. Dieu merci, messieurs, je suis catholique et catholique fervent, je n'ai pas honte de l'affirmer, et c'est pour cette raison que j'ai fouillé à la bonne source pour découvrir tout ce qu'il fallait pour confondre votre représentant qui a l'audace de venir de nouveau devant vous sans rougir de honte avec un pedigree comme le sien. Monsieur Gladue est non seulement maçon, mais en outre, il est orangiste. Ce document que je détiens est son certificat d'admission dans la Grande Loge d'Ontario. Je vous ai promis de vous le montrer, eh bien, je tiens ma parole. Je déroule devant vous ce papier infâme. Voyez-vous en tête le numéro d'ordre et le montant qu'il a payé pour être admis? Regardez au centre, tout en haut. C'est le portrait de la bâtisse où s'abritent ces mécréants pour découvrir des moyens de vous détruire, vous, les catholiques de la province de Québec. Ici, c'est grave. Examinez dans le coin gauche ce grand sceau en rouge. Eh bien, ce sceau a été imprimé avec le sang des catholiques. Votez pour lui maintenant, si vous l'osez. C'était une police d'assurance qu'il exhibait. Gladue rageait, mais Thibault était déjà loin. Dans l'après-vêpre, mon Charles s'était rendu à Yamaska, le château fort des Rouges dans le comté. Il n'avait pas autant de chances de se faire écouter, mais comme il avait toutes les audaces, il ne s'occupait guère de cela. En réponse au discours du représentant de M. Gladue, il commença ainsi le sien, croyant que ça pourrait passer. Il comptait sans son hôte, car les gars de Yamaska n'ont pas froid aux yeux. « Messieurs les électeurs, si vous voulez me le permettre, je vais commencer mon discours par une citation de l'Ancien Testament qui s'adapte bien à la circonstance. « Seront mis en pulcra est, c'est du veranonabet. » Alors la foule... « En français, Vlimeur, on prend pas l'anglais, nous autres. » Oui, messieurs, je vais vous parler français, car je n'ai jamais eu honte d'exprimer ma pensée. Cette citation veut dire ceci en français. Les filles de masque n'en ont pas, mais elles s'en mettent. Ce fut sa dernière parole. Il se considéra heureux de se tirer de là avec sa peau. Jean-Seb nous parle de ses coups de cœur du mois, du côté des podcasts québécois, ou du Canada français, et touche un mot sur deux sites qui se consacrent aux audiolivres. Ici Jean-Seb et je vous souhaite la bienvenue dans la capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'Avenir. Capsule qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. À la dernière édition, j'ai manqué de temps pour mentionner la fin d'un excellent podcast. Donc, après 3 ans, 29 épisodes, We Are Geek nous a fait cette triste annonce. Cependant, j'ai bien aimé leur dernier épisode où Debbie Rouleau, Sébastien Provencher et Frédéric Harper prennent le temps de nous exposer les raisons qui font qu'ils arrêtent. Ils nous ont fait une excellente rétrospective de tous leurs épisodes. Ça a été un très beau moment, tout de même touchant. Et j'apprécie cette pratique parce que ça nous évite de garder dans le flux d'iTunes des émissions qu'on pense qui vont revenir et puis bon, finalement, ça revient pas. Donc, c'est plaisant de pouvoir faire le ménage de ce côté-là. C'est une pratique qui devrait être faite par tous ceux qui font du podcasting, les personnes qui font des sagas sur Netophonics ou bon, ça serait en effet apprécié que ça soit écrit fin, soit dans le titre ou au moins que le dernier épisode le mentionne. Alors, dans les derniers podcasts que j'ai écoutés, je tiens à féliciter Fun Jouer Jeu qui nous ont fait un épisode 68 au complet dans leur voiture. J'ai adoré le concept. Le seul autre que j'avais entendu qui avait fait ça, c'était Yann Thériault du Stream, qui fait toutes sortes d'affaires capotées, mais eux, c'était vraiment pas prévu. L'histoire, en fait, c'est que Sébastien a oublié ses clés dans sa voiture, trop préoccupé par l'écoute de podcast et bien sûr le textage. Alors l'épisode se passe dans un aller-retour Chicoutimi Alma. Alors Sébastien s'est fait le taxi et c'est ça, l'épisode se passe dans la voiture. Comme toujours, il parle de jeu. Alors c'est un épisode rempli d'aventures, c'est le suspense, des rebondissements dus à des cartes SD défectueuses, des piles non chargées, bref, c'était vraiment une belle péripétie. J'ai aussi été très heureux d'assister au retour de Podcast with Cheese. Il parle généralement de notre société, des conspirations, de la politique en général. C'est des gars qui placotent, super le fun. Il y a aussi la commission des geekers que j'avais dit que je porterais une attention. C'est chose faite et je ne le regrette pas. C'est super drôle. Je les mets dans la même catégorie que 3 bières et pas de problème. Je les avais jamais écoutés. Je m'en suis écouté toute une série, une en arrière de l'autre. La commission des geekers se donne un mandat farfelu détaillé d'un questionnaire et les participants, qui sont toujours les mêmes, qui se rencontrent et puis bon, ils prennent une coupe de bière. Ils doivent apporter au podcast leur réponse. J'ai l'air confus comme ça, mais c'est pas facile à expliquer non plus. Par exemple, on se part un club de motards. Qui est-ce qui va faire partie du club? C'est qui le chef? C'est qui le deuxième? Où est-ce que va être le repère? Qui va s'occuper des jobs de bras? Ça va être qui la waitress dans le repère? Ça va être quelle sorte de drogue qu'il transige, etc. Une autre fois, ils veulent faire un beach party, un gros beach party. Fait qu'encore là, ça leur prend un barman, un surveillant de plage, un cook pour les hamburgers. Il faut qu'ils choisissent un endroit adapté pour un beach party. C'est tellement drôle. Ils ont décidé de faire leur beach party sur la planète Doom. Et puis, les verts font les épices pour les hamburgers. Fait que là, ils peuvent faire intervenir Yann Solo. Ils ont engagé Squiddy Diddly pour être barman avec un autre vieux barman des années 70 qui connaît tous les cocktails. Et je ne veux surtout pas passer sous silence le 7e antiquaire. On sort les similarités entre les séries de films de Jaws et de Psycho. Tout un travail de recherchiste. Ils sont vraiment cool, ces gars-là. Et puis, écoutez-moi la présentation au début de l'épisode. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur les ondes de Choc FM. Vous écoutez le 7e antiquaire, une émission de cinéma aux proportions cosmiques, où philosophie, mysticisme et réflexion de cuisine vont de bon train. Vous êtes avec vos animateurs, Jean-Michel. Ding, ding, ding, ding. Bertiome, et avec Francis. Wallet, cette semaine, on a un très grand plaisir à vous recevoir et à vous parler d'un sujet... complètement malade. Il y a quelque temps, il avait fait une corrélation entre divers films et personnages versus l'histoire et les personnages de Blanche-Neige et des Sept Nains. Alors, ils sortent les stéréotypes pour les sept nains, soit prof, atchoum, dormeur, joyeux, timide, grincheux et simplet. Je m'étais justement pris des notes sur cet épisode-là, je vous les lis rapidement. Donc, ils associent un personnage, genre le prof en anglais, doc, c'est le mentor, c'est le vieux sage, c'est celui qui donne les missions. Il y avait atchoum, qui peut être associé à Gandalf, Obi-Wan Kenobi. Souvent, il va tuer à distance. C'est le sniper qu'on va retrouver dans les films, les archers. Atchoum, il est toujours dans l'ombre. Et puis, il se touche toujours le nez. C'est aussi un personnage qui doit faire une pause avant de tirer, comme quand on vient pour éternuer. Il y a Dormeur Sleepy, c'est un poker face, calme. Il commande, il consulte. Il imagine les plans. Happy, il est souriant, blagueur. Une caractéristique qui est sortie, c'est lui qui est le changeur d'état dans la suite des péripéties. Timide, c'est le seul qui a une évolution mentale. On peut l'associer à Anakin Skywalker. Il y a Grincheux, qui est un guerrier taciturne, c'est le chevalier solitaire, gardien, combattant. On pourrait l'associer à Wolverine. Simplet, c'est un trickster, c'est un wild card, c'est celui qui est terre à terre. Il n'y a pas personne qui peut le contrôler. Généralement, il va cacher un secret profond, une souffrance. Mais c'est lui qui va faire évoluer le groupe. C'est pas lui qui a le goût de parler. En passant, dans les sept nains, c'est le seul qui n'a pas de barbe. Donc, ça peut être un bon résumé pour Simplet, c'est qu'il est samouraï le jour et alcoolique le soir. Bref, j'ai trouvé que c'était excellent comme épisode. Alors, un autre volet que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est à propos des sites de littérature audio. Donc, je vais vous parler de Bibliboom et de audiocité.net. Bibliboom, c'est plus de 300 livres audio à télécharger au format MP3. C'est un site qui a été créé par Ma et Gilles. Alors, ils nous disent que pour notre plaisir, ils ont réalisé des livres audio et ils nous les offrent. C'est pourquoi, munis d'un micro, livre ouvert, ils se sont lancés sans filet dans l'œuvre de Zola, Dostoïevski, Austin et bien d'autres grands classiques. Ils nous suggèrent bien sûr de les consommer sans modération, à la plage ou dans la rue, en voiture ou en avion, en bus ou en métro, à l'hôpital ou dans le lit, en courant, en marchant, en skiant, en bricolant ou en repassant à la maison et au boulot, bien sûr. Alors, tous les livres qui sont en audio sur le site de Bibliboom, bibliboom.com. Ce sont tous des œuvres qui sont dans le domaine public, donc l'auteur et le traducteur sont décédés depuis au moins 70 ans. Allez faire un tour, c'est une mine d'or. Audiocité.net, quant à eux, c'est 183 livres contemporains, 917

Et aussi au fait que ce soit gratuit. Du coup, il y a énormément de personnes qui viennent tous les jours pour télécharger des livres audio. Au niveau des chiffres, on peut dire qu'on a un catalogue maintenant de 1500 livres audio. Au niveau du nombre de téléchargements, là c'est très difficile à savoir puisque nos livres audio sont stockés sur archive.org. Chaque livre audio a sa page avec son nombre de téléchargements et il faut cumuler les uns aux autres et voilà, et ça devient très compliqué, mais bon, à mon avis, on a dépassé le million de téléchargements depuis longtemps. Waouh ! Au niveau des statistiques de passage, il y a entre 1500 et 2000 personnes qui viennent visiter le site tous les jours. Et quand même ! Alors, il y a aussi les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook avec à peu près 1500 membres et sur Twitter avec plus de 200, je crois. Donc, oui, Christian, j'ai l'impression que le site fonctionne très bien. Et je dirais de mieux en mieux. À un moment donné, tu as cessé d'enregistrer, sauf pour Atlan dans les deux derniers Mazas. Et tu as délégué plusieurs responsabilités liées à Audiocité. Pourquoi? Disons que le temps commençait à me manquer cruellement. Je courais de tous les côtés. Alors il a fallu que je m'implique un peu moins. Mais par contre, j'ai bien pris soin de terminer tout ce que j'avais commencé. Et qui me tenait à cœur, comme par exemple le rôle d'Atlan. Et il faut dire aussi que par rapport à Audiocité, j'ai eu un relais formidable. Armen a repris pas mal de mes tâches. En particulier, elle aide certains lecteurs et lectrices à mettre en ligne quand ils ont des problèmes. Et c'est vrai que c'est pas évident. Qui a un aspect technique qui n'aide pas les choses. Elle surveille en permanence ce qui se passe sur le livre d'or, le forum et Facebook, parce qu'on a pas mal de problèmes de spam. C'est pénible, mais voilà, il n'y a rien à faire. On n'arrive pas réellement à bloquer 100% des spams, donc il faut que quelqu'un soit là pour les supprimer manuellement, régulièrement. Elle a aussi pris le contrôle de la newsletter, la gestion du groupe Facebook. Enfin bon, elle fait énormément de choses. Christophe, de son côté, s'occupe de l'arrivée des nouveaux lecteurs, ainsi que de tout ce qui concerne les auteurs contemporains. Voilà, bref, il y a une petite équipe qui est en place. Et pour résumer, ça fonctionne. Il y a de nouveaux projets dans l'air ? Alors, il y a effectivement un nouveau projet. Ça s'appelle Audio Projet. C'est toujours lié à Audiocité. C'est un projet que Cathy prépare et je vais essayer de l'aider à le développer. En fait, ça consiste à développer Audiocité en local. C'est-à-dire qu'ici, on aimerait bien faire enregistrer directement des personnes qui seraient intéressées. Alors, éventuellement, Cathy ne sait pas encore trop où ça va se passer, si c'est dans un local, si on se déplace, mais elle aimerait bien toucher les écoles, les maisons de repos. Enfin bon, il y a encore beaucoup de choses qui restent à déterminer, mais voilà, ça c'est le projet qui se prépare. Oh, excellente idée! Tu nous en reparleras quand ce sera au point. Qui sait? Peut-être certains d'entre nous pourraient reprendre la formule dans nos régions respectives. Mais après avoir parlé de l'avenir, parlons du passé. Au cours des années, je t'ai enroulé dans divers projets pour les éditions de l'avenir. Rappelons que tu fais la voix d'Atlan dans les aventures de Massas Pavel et celle de Brun Yehed dans l'Estrade à chant très spécial. Oui, et ça a toujours été un plaisir. Parle-moi un peu de ton expérience dans la peau de Yehed. Enfin, de ce que tu te souviens. Malgré le fait que l'enregistrement ait été fait il y a assez longtemps, c'est vrai que je me souviens assez bien du personnage. Parce que, à part le côté policier, il me semblait qu'il me ressemblait beaucoup. Dans le sens où c'était quelqu'un qui centralisait les informations et a priori quelqu'un toujours disponible sur son ordinateur. Et à l'époque où j'enregistrais, bah, c'était le cas. Donc c'était d'autant plus facile pour moi. Et il faut dire aussi que c'était beaucoup de dialogues. Et il n'y a rien à faire. Les dialogues, c'est toujours beaucoup plus simple à enregistrer que la narration. Je me souviens par exemple d'un livre audio qu'on avait enregistré ensemble, Christian. C'était le mystère de la chambre jaune. Et là, il y avait des chapitres entiers de narration. Et c'est vrai que ça avait été très difficile à enregistrer. Mais revenons au personnage de Brown et Ed. En résumé, c'était un personnage qui pouvait à la fois être directif et taquin. Ça a été quand même un personnage attachant. Ah ben tant mieux, si tu en as gardé de bons souvenirs. Hein. Tu n'aurais pas le goût de remettre ça, hein? Recommencer à enregistrer. Hein? Ce serait chouette pour nous. Hein? Tu es doué. Le goût, oui. Parce que enregistré dans le cadre des éditions de l'avenir, où je n'ai qu'à te fournir les phrases et après tu fais un montage en général extraordinaire, c'est toujours une excellente expérience. Par contre, le temps me manque toujours et comme il y a Audio Projet qui se prépare, ben ça va pas s'arranger ces temps-ci. Ouais. Ah, entre nous, là, je m'attendais un brin à ta réponse. Dommage pour nous. Y a-t-il un autre sujet que tu voudrais aborder? Pas particulièrement, mais je voudrais quand même te remercier de m'avoir invité et te remercier aussi de tout ce que tu as fait vis-à-vis d'Audiocité, que ce soit dans le cadre des éditions de l'avenir ou d'Audiocité. Ah, mais je t'en prie. Hein. Je l'ai répété à je ne sais plus qui récemment, Audiocité reste pour moi une grande famille. Et ça provient de l'esprit que tu lui as insufflé dès le départ. Alors, c'est un plaisir pour moi de m'impliquer personnellement chez Audiocité. Quant aux productions des éditions de l'avenir, ben, elles sortent toujours gagnantes de leur présence sur Audiocité. C'est une merveilleuse vitrine. Aussi, merci infiniment, Frédéric, pour l'entrevue, pour Audiocité, pour ton implication dans nos productions. Merci, Christian. Bye. La musique accompagnant l'entrevue est de Kevin MacLeod d'Incopetech.com. Voici ce que nous avons mis en ligne au cours de novembre dans le cadre des nouveautés audio des éditions de l'avenir. Le 7, ce fut la deuxième tranche des résumés Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Vanhereux. Quand la commission d'enquête arrive, les mutants sèment à nouveau la zizanie. Rod Gore tue le commissaire avant d'être abattu par les gardes. Shrekhorn, rétabli dans son rôle, donne l'ordre d'évacuer Ferrol. Les Topsides se replient sur Vega 40 qui possède 6 lunes. Une fois Ferrol libéré, Rodden obtient une base près de Sic-Horum, la capitale des Sichas. Grâce au pouvoir des mutants, il parvient à accéder dans la crypte et s'empare d'une cassette située dans un plan temporel différent. La cassette contient les plans des transmetteurs ainsi que des indices sur la planète de Jouvence. Deuxième partie. Rodan. Le 14, nous vous présentions un extrait du Poirier de l'Est dans lequel l'auteur défend les Canadiens français. Le 21, ce fut une nouvelle d'Edgar Poe, le masque de l'amour rouge, interprété par Aldor. Un trouble momentané courait dans toute la joyeuse compagnie, et, tant que vibrait le carillon, on remarquait que les plus fous devenaient pâles, et que les plus âgés et les plus rassis passaient leurs mains sur leur front, comme dans une méditation ou une rêverie délirante. Mais, quand l'écho s'était tout à fait évanoui, une légère hilarité circulait par toute l'assemblée. Les musiciens s'entre-regardaient et souriaient de leurs nerfs et de leur folie, et se juraient tout bas les uns aux autres que la prochaine sonnerie ne produirait pas en eux la même émotion. Et puis, après la fuite des 60 minutes qui comprennent les 3600 secondes de l'heure disparue, arrivait une nouvelle sonnerie de la fatale horloge et c'était le même trouble, le même frisson, les mêmes rêveries. Mais en dépit de tout cela, c'était une joyeuse et magnifique... Enfin, jeudi dernier, soit le 28, nous mettions en ligne le 13e épisode du PC Show avec Paul Courtemèche, sitcom audio dont je suis l'auteur, avec Carole Bassani et Gabriel Jean. Oh, c'est toi? Oui, c'est moi! Et comment vas-tu? Moi, j'ai une pêche d'enfer! Ah, ou presque. Que fais-tu là? Ah, tu le vois bien, là? Je fais le poireau, le piquet, le poteau, la ligne, la file, la queue de loup. Oui, bon, ça va, je vois. Envoyé par ton journal? Ah, on ne peut rien te cacher. Et toi? Je suis MC pour la soirée. Ça sort pas de tes cordes, ça, un peu, non? Oui et non. J'en ai fait beaucoup dans ma jeunesse. Mais ça fait un bail. Pourquoi tu reviens ce genre de boulot? J'ai besoin d'argent. Ah bon? Et pourquoi ça? J'ai honte de l'avouer, mais... j'ai quelque peu investi dans une invention de mon cousin Samy. Tu te souviens de mon cousin Samy, l'inventeur? Ah ben, oui, je m'en souviens très bien, mais... qu'est-ce qui t'a pris? Je ne sais pas. Un coup de folie, sans doute. Mon pauvre vieux. Et c'était quoi, cette arnaque? Mon pauvre... Vous êtes intéressé à devenir réalisateur bénévole pour les éditions de l'avenir? Il y a toujours plusieurs projets en cours, mais qui tardent à aboutir faute de temps pour les réaliser. Le montage prend beaucoup de temps. Je ne dirai pas non à quelques valeureux volontaires. Si ça vous intéresse, faites-moi signe. En terminant, notez que l'émission que vous écoutez est disponible sur la page qui lui est consacrée à Canal Blog à l'avenirpodcast.canalblog.com ainsi que sur Soundmap, en transition sur Podomatic à l'avenir.podomatic.com, sur Podcast France et via le Miroguide à www.miroguide.com/audio/16760. Vous pouvez nous retrouver également sur Twitter à twitter.com/l'avenir audio ainsi que sur Google Plus sous Christian Martin. Nous sommes également sur Pinterest à pinterest.com/l'avenir audio. Et voilà, ainsi se termine cette 14e émission de la deuxième série du podcast des éditions de l'avenir. Rappelons enfin que vous retrouverez toutes nos productions audio à l'avenir audio.canalblog.com. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Merci de votre attention. À bientôt.